Fini le temps où je traînais dehors, que je courais après l'école pour jouer au Pokémon ou jouer au foot en bas du bloc. Bête d'époque, on était pauvres mais généreux. Combien de fois j'ai coupé mon bout de pain en deux? Plutôt casanier, loin de mes tours, je me sens pas chez moi. Très vite le rap est devenu mon frère, c'est à moi. J'écoutais Sniper, IAM, NTM et Salif. J'ai 15 ans, mes premières rimes, c'est trop nul mais je kiffe. Je continue le foot et nique sa mère les Pokémon. De toute manière j'en vois toujours en bas du bloc. Mon premier bullshit, ma première vente à un toto de la ville. Je suis commercial alors je garde le sourire. Jeune et ambitieux, je me sens intouchable, j'ai vite redescendu quand mon pote a rejoint les cieux. Adolescent, insouciant, sans sous, mes rêveurs, sans avenir d'après mes professeurs. La vie suit son cours, je suis dans les mauvais coups, on casse des Neyman devant Normandie, Niemen. Plus je grandis et plus les conneries sont grosses, on casse des bouches à des hommes, on retourne Calénor. J'ai une équipe de fous, une équipe qui sort la nuit pour foutre la merde, j'en suis pas fier, mais putain quel souvenir. Pendant ce temps les grands rap, moi je suis pudique, j'écris en cachette sur une instru de Tupac enregistrée sur cassette. Mais pas le temps de m'attarder, faut des sous, je renfile ma casquette. La nuit tombe, c'est l'heure de faire de l'oseille. Je prends tous les risques, j'ai tous les vices, je suis connu dans le quartier pour être un mec sans limite. Première garde à pour un acte de barbarie, salade de phalange au menu, j'ai tabassé un mec armé à main nue. Bref, passons, j'ai évité la prison de peu, un rappel à la loi et une amende des bastards. Je rêve toujours de quitter le quartier, 2007 je rencontre une meuf. Elle est de Berck, on s'entend bien, elle est douce, je ne sais pas c'est quoi l'amour, j'ai l'impression d'être un australopithèque. Aujourd'hui c'est le grand jour, ils détruisent les tours, au revoir, la ZUP et direction le Fornulet, c'était si fort que j'en ai versé des larmes. Quitter le quartier, le QG, là où j'ai fait mes armes. Ceci signe la fin d'un cycle, la fin du premier chapitre. LPK BSM Crew. Yeah.